ceux qui aiment à la folie persévérer dans l'hérésie. J'aime entamer mon récital par un hommage à cette chorale qui le festin en bacchanal fait de ma voix sa capitale au beau quartier que les anciens ont construit où ils brûlent des feux qui rôtissent nos repentis. Au beau quartier que les anciens ont instruit pour rejeter l'orthodoxie. Et lorsque nous assiègent ceux qui jalousent nos privilèges, que peu à peu se révèle l'inexpugnable de nos citadelles, alors dans nos entrailles pousse la liberté qui les courrousse, qui se fiche de leurs anathèmes, de leurs tabous, de leurs totems. Je chante avec ce que l'on promet à l'enfer, à des rites affreux pour qu'ils s'effacent de la terre. Je chante avec ce qu'on veut faible ou petit, mais dont le royaume s'agrandit. Alors à eux d'ouvrir le bal lorsque finit mon récital, pour qu'ils puissent séduire sans mal les tenanciers de la morale. Je chante avec ceux